Vous écoutez L'Esprit Libre. stories and alibis. You just don't care, you better beware. I'm just telling you. Jusqu'aux confins du ciel, la furie de ce monde paraît éternelle. Je sens la violence et je vois le chaos. J'entends la délinquance hurler bien haut. Je ressens la douleur comme je vois la torture. J'ai goûté ton malheur, j'ai touché tes blessures. Sous un ciel écarlate, je veux que ma colère éclate, qu'elle balaye tout sur son passage, puisqu'alimente les feux de ma rage. Sous un ciel écarlate, je veux que ma colère éclate, qu'elle balaye tout sur son passage, tout ce qu'alimente les feux de ma rage. Tout ce qu'alimente les feux de ma rage.

choc, expérience et bye maman. À quoi bon me sermonner? Choc, expérience et bye maman. La la la la la la la détruire les petits doigts s'ennuyer. À la surface, ils flottent les cheveux de la morte. À la surface, ils grouillent les petits doigts s'ennuyer. À la surface, ils flottent les cheveux de cheveux de la morte. À la surface, tout peine, c'est dedans que ça saigne. À la surface, tout peine, c'est dedans que ça saigne. C'est dedans que ça saigne. C'est dedans que ça saigne. Ça saigne. I turn into a teenage Goo Goo Mug. Yeah, I cruise through the city and I roam the streets, looking for something that is nice to eat. You better duck when I show up, the Goo Goo Mug. Vous écoutez l'Esprit Libre. Feel alright. you come to my house and knock upon my door. Climbing up my stairs, 1, 2, 3, come on up, baby. Here she is in my room, oh boy. I want you step inside. I want you to take a little ride, all right, okay, yeah, yeah, hey, hey, what the, all right. Hey, what's your name? How old are you? Where'd you go to school? Uh-huh, yeah. Gonna eat you, honey. écoutez L'Esprit Libre. Slam!